Kenedza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, trouve que certains ministères, et notamment celui du commerce et de la télécommunication, ne sont pas utiles à la population et que leur suppression ne causerait pas de pertes. Il a fait ses déclarations samedi dernier au cours des festivités d'échange de vœux du Nouvel An organisées par les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD de la province élargie de Gitega. Vous entendrez à ce sujet l'analyse d'un politologue et enseignant d'université. Plus de 9 milliards de francs burundais sont dépensés par le gouvernement burundais par an dans l'allocation des infrastructures, alors que des infrastructures qu'il fait louer génèrent 500 millions seulement. C'est ce qui a été soulevé ce jeudi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport de performance et d'exécution budgétaire des trois derniers trimestres de l'exercice 2023-2024. Et puis l'insuffisance d'enseignants, le manque de salles de classe et bancs pupitres et matériel pédagogique constituent certains des défis majeurs qui hante le secteur de l'éducation au Burundi. Vous entendrez les précisions du président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation, FENASEB, qui s'exprime à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation célébrée le 24 janvier. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef de l'État burundais estime que certains ministères, notamment celui du commerce et de la télécommunication, ne valent pas la peine d'exister. Il a déclaré dans les festivités de meilleurs vœux du Nouvel An organisées le week-end dernier par les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ressortissant de la province élargie de Gitega. Evariste Ndayishimiye a expliqué que les deux ministères ne sont pas utiles à la population et que par conséquent, leur suppression ne causerait pas de pertes. Suivez-le dans les traductions françaises de Jean de Dieu Irakoze. Normalement, ce sont ceux qui œuvrent dans le secteur du commerce et de l'industrie qui devraient nous apporter de l'argent. Il est déplorable qu'ils veulent être payés alors qu'ils ne génèrent rien. J'aborde ce secteur des TIC. N'y a-t-il pas des localités où il n'y a pas de réseau téléphonique? Il y en a, mais allez évaluer les avantages accordés à ces compagnies de téléphonie. Paradoxalement, ils déclarent qu'elles ont une couverture nationale. Je sais que le ministre de la Communication en est au courant, mais qu'elle est intéressée par ces compagnies pour ne pas y voir clair. Même son de cloche pour l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications et le directeur général des télécommunications. Cependant, on leur octroie des avantages et des avantages. Qu'auriez-vous perdu si on supprimait le ministère en charge des technologies de l'information et de la communication? Moi, je ne regarde que son utilité envers la population. À quoi nous sert le ministère du Commerce? Le ministre du Commerce ici présent peut témoigner. Je leur ai dit, qu'aurions-nous perdu si nous ne gardions que 8 ministères? Les États-Unis d'Amérique n'ont que 20 ministères. Qu'est-ce qui empêcherait au Burundi d'avoir 5 ministères? J'ai déjà analysé ce qui handicape notre pays. Mon constat est que les vrais employés ne sont que les prestataires des soins de santé, les enseignants, les agents de sécurité et de défense, ainsi que les juges. Malheureusement, ils touchent de maigres salaires au moment où les cadres nommés par décret et ordonnance obtiennent beaucoup d'argent alors qu'ils ne travaillent pas. Si nous réduisons le nombre des ministères à 5 et que nous majorons le salaire de ces derniers, y aurait-il un problème? La politique se fait de cette manière. On prend une orientation pour que l'argent du trésor public soit donné aux employés, à tout responsable inutile à la société qui pense déjà qu'il quittera ses fonctions. Tenez bien, je ne remplacerai plus un responsable limogé dans ses fonctions. Ni sakiri yumvira yuko izogeta muzoraba uwo nkuye Jesse nzosubiritsu turabice duhomba. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. La situation économique du pays devrait imposer tous les acteurs du pays de s'asseoir ensemble en vue d'analyser les causes et déterminer des solutions qui s'imposent. Analyse d'un politologue, Simeon Baromwete, qui indique qu'en cas de difficulté, l'occasion n'est pas pour le gouvernement de chercher des boucs émissaires, mais plutôt d'en parler en conseil des ministres. Cet enseignant d'université explique que la création des ministères est justifié par ses missions et que par principe de collégialité, l'ensemble du gouvernement décide pour des mesures qui s'imposent. Suivez-le. En période normale, la création d'un ministère est justifiée par la spécificité de sa mission et de ses objectifs qu'il essaie d'atteindre à travers sa politique sectorielle ou de son plan d'action annuel aligné sur le plan national de développement ou de la nouvelle vision Burundi pays émergent en 2040. Et pays développés en 2060. Pour cela, le ministre est responsable des réussites ou des échecs dans l'atteinte des objectifs assignés à ce ministère. Maintenant, un ministère est une pièce dans un gouvernement dans lequel il y a un chef de gouvernement et un chef de l'État qui décident avec l'ensemble des ministres selon le principe de collégialité en conseil des ministres. Aujourd'hui, le Burundi se trouve dans une situation économique paradoxale, car les institutions sont complètes. La situation actuelle nous impose de ne pas chercher de bouc émissaire, mais plutôt de s'asseoir, de diagnostiquer froidement notre situation, bien analyser ses causes et tenter de trouver des solutions pertinentes. Le peuple ne demande aux plus hautes autorités que des solutions concrètes aux nombreux problèmes publics qui le hantent. Il suffit de la bonne volonté et la défense de la primauté de l'intérêt général. Que le gouvernement s'attelle uniquement dans la recherche des solutions aux problèmes publics et qu'il laisse le soin aux autres acteurs, surtout le Parlement et la société civile, de contrôler et d'évaluer son action en relevant ses failles pour l'inciter à adopter des mesures correctives. Ces autorités sont dans l'ensemble toutes comptables des échecs ou des réussites enregistrés par l'un ou l'autre ministère du fait du principe de la solidarité gouvernementale. Cet enseignant d'université déplore que le gouvernement des pays africains exige plus de résultats sans contrepartie de ressources nécessaires. Professeur Simeon Baromwete indique qu'un ministère n'est évalué que sur base de programmes prévus et dans des délais bien précis. Encore une fois, professeur Simeon Baromwete. Si le budget demandé est suffisant et qu'il est accordé dans les délais, il ne reste qu'à vérifier si les activités prévues ont été menées. Généralement, dans presque tous les pays africains, le gouvernement exige plus de résultats sans la contrepartie de ressources nécessaires. En matière de gouvernance, le rôle des ministères est de tout faire pour réaliser effectivement les politiques gouvernementales sectorielles, inclusives et participatives de toutes les parties prenantes. Il s'agit d'éviter au maximum l'unilatéralisme au niveau du processus décisionnel, mais plutôt de mettre en avant les logiques participatives afin d'arriver à la coproduction des politiques publiques avec le secteur privé et les représentants de la société civile intéressés. L'État devrait comprendre qu'il n'est plus le seul acteur sur le terrain de l'action et qu'une multiplicité d'autres acteurs sont là et peuvent lui apporter l'expertise nécessaire dont elle a besoin pour mener à bien ses politiques. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition. Le gouvernement burundais dépense plus de 9 milliards de francs burundais dans l'allocation des infrastructures alors que ses propres infrastructures qu'il fait louer ne génèrent que 500 millions seulement. Cela ressort du rapport de performance et d'exécution budgétaire des trois derniers trimestres de l'exercice 2023-2024. Au cours de la présentation de ce rapport ce jeudi, les députés ont plaidé pour la construction de ses propres infrastructures au lieu de faire recours à la location. Les détails avec Clovis Nyonkuru. Les députés sont revenus sur la question des infrastructures louées par le gouvernement. Ils indiquent qu'il y aurait du trafic d'influence là-dedans et recommandent au gouvernement de suivre de près cette situation, expliquant qu'il n'est pas compréhensible qu'il dépense une grande somme d'allocation alors qu'il fait louer certaines de ces infrastructures. Ils estiment qu'il s'agit d'une perte. Ces derniers estiment que le gouvernement devrait concentrer ses efforts dans la construction de ses propres infrastructures au lieu de recourir à la location. Le ministre des Finances reconnaît cette perte relevée par ses députés et répond qu'il va entrer en contact avec son homologue en charge des infrastructures pour statuer si c'est son cas. Nous reconnaissons cette perte que vous venez de relever. Nous allons prochainement dénombrer les immeubles que le gouvernement loue et dresser une autre liste des infrastructures que ce dernier fait louer. Peut-être il y a une certaine défaillance. Le gouvernement fait louer alors qu'il loue lui-même. Nous pensons que le gouvernement devrait louer un immeuble après avoir occupé les siens. C'est ça qu'on va étudier ensemble et on vous informera les résultats et les défis éventuels. Ce rapport de performance et d'exécution budgétaire pour les trois derniers trimestres de l'exercice 2023-2024 précise que le gouvernement dépense plus de 9 milliards de l'allocation au moment où ces infrastructures ne génèrent que 500 millions de francs burundais. Clovis Nyonguru, parlons éducation à présent. Certains élèves du lycée du lac Tanganyika et lycée Notre-Dame de Rohero en mairie de Bujumbura disent éprouver des difficultés de se déplacer dans ce contexte de pénurie de carburant. Ceux qui vivent dans des localités éloignées de l'école précisent qu'ils se réveillent vers 4h du matin, déplorant qu'en cas de retard, ils subissent des fois une sanction de retrait de 3 points en éducation. Cette situation est confirmée par les éducateurs, mais ceux-ci apprécient chaque fois sur les sanctions qui s'imposent et sur les heures de démarrage des activités scolaires le matin. Jean-Marie Mayonga. Lorsqu'on emprunte différents axes routiers menant vers le centre-ville Bujumbura, l'on perçoit vers 6h du matin des élèves qui se déplacent à pied vers leurs établissements scolaires comme le lycée du lac Tanganyika et le lycée Notre-Dame Rohero. Certains élèves venus de différents quartiers disent qu'ils se réveillent très tôt le matin, veulent 4h et 5h du matin pour chercher les bus, craignant d'être sanctionnés pour cause du retard. Je me réveille très tôt, 5h, je me prépare plus d'une heure pour que 6h top, je quitte à la maison pour aller à l'arrêt bus. Quand il n'y a pas du carburant, on ne nous punit pas parce que même les professeurs comprennent que qu'il n'y a pas de carburant. Mais quand c'est moi qui l'ai fait, donc je suis venu en retard par ma fainéantise, je suis sincèrement puni. Je me réveille à 4h du matin. Mon départ, c'est 5h30 ou 5h25. Et ma crainte, c'est que si j'arrive dans la rue et que je trouve que ça ne fait pas jour, donc j'ai peur qu'on puisse me faire du mal s'il y a des retraits pour ceux qui habitent très près de l'école. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant de Buyenzi a été en retard en cause de bus. Donc on punit ceux qui habitent très près de l'école et ceux qui habitent loin. On tolère. Il plaide pour la résolution du problème et du carburant pour qu'ils puissent apprendre de manière adéquate sans se soucier des problèmes de déplacement. D'abord, je devais remercier parce qu'ils ont privilégié les élèves pour nous quand, même s'il y a cette crise de carburant, quand il y a un bus, nous sommes favorisés, nous sommes les premiers à entrer. Ça, c'est quelque chose à remercier. Le gouvernement, il faut disponibiliser la quantité suffisante, oui, mais même si c'est difficile, pouvoir installer des bus scolaires, mais ce sera aussi quelque chose de spécial pour moi. Laurent Ngurutse, directeur du lycée du lac Tanganyika 2, et Ndaïdziga Richard, préfet des disciplines au lycée Notre-Dame Rohero, affirment qu'ils sanctionnent des retardataires, mais après analyse des cas pour chaque élève. On a donné des conseils aux élèves pour qu'ils puissent se réveiller très tôt et venir à l'école. Chez nous, au lycée Notre-Dame de Rohero aussi, il y a des élèves qui arrivent en retard. À cause du manque de bus, on sanctionne des élèves suivant leur justification. Si on constate que c'est le cas lié au manque de bus, on essaie d'alléger la punition. Ces éducateurs apprécient les facilités accordées particulièrement aux élèves qui empruntent le transport en commun le matin et souhaitent qu'elles soient également appliquées au moment de la rentrée pour qu'ils puissent réviser les cours et préparer les jours suivants. Jean-Marie Mayonga, parlons éducation encore, l'insuffisance d'enseignants, le salaire dérisoire, le manque de salles de classe, des bancs pupitres, du matériel pédagogique sont parmi les défis majeurs qui hante le secteur de l'éducation au Burundi. Propos d'Antoine Emanuma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation FENASEB, au moment où le 24 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée de l'éducation. Il demande au gouvernement burundais de tout faire afin de régler ces problèmes. Suivez ces précisions. Le thème choisi cette année se focalise sur les défis de l'intelligence artificielle. Dans notre pays, le système éducatif n'a pas encore atteint son niveau parce que les obstacles à franchir sont encore nombreux, notamment la pénurie des enseignants. Les écoles ont encore besoin de plus de 10 000 enseignants. Les besoins en enseignants ne cessent de s'accroître suite au départ à retraite, aux abandons de services et à d'autres raisons. La raison à la base des abandons de services est essentiellement le salaire dérisoire. Les enseignants déserteurs préfèrent aller chercher des avantages ailleurs. Le traitement de la question de rémunération des enseignants s'avère donc urgent dans l'intérêt de la jeunesse et de la nation. Deuxièmement, l'insuffisance des salles de classe et des bancs pupitres. Dans plusieurs écoles du pays, les effectifs des apprenants sont élevés suite à l'insuffisance de classe. La carence des bancs pupitres est une réalité. Elle condamne les apprenants à se bousculer ou à s'asseoir par terre. Dans ces conditions, le suivi des enseignements devient problématique et la maîtrise de ces derniers devient impossible. L'augmentation du budget de l'État alloué à la construction de nouvelles infrastructures scolaires et à la fabrication des bancs pupitres s'impose. Troisièmement, l'insuffisance du matériel scolaire et des supports pédagogiques. Dans la plupart des écoles, les livres de l'élève manquent cruellement ou les approvisionnements sont opérés tardivement. Dans pareilles circonstances, les enseignants fournissent plus d'efforts sans parvenir au renforcement des actes. Quatrièmement, les doléances des enseignants et autres personnels qui ne sont pas satisfaits. Les préoccupations des enseignants et autres personnels restent sans solution. Antoine Manuma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation FENASEB, dont les propos ont été recueillis par Claude Itangishaka. Randonnant en province Kayanza, plus de 100 accidents de circulation ont été enregistrés en province de Kayanza, lesquels ont emporté la vie de 21 personnes et 95 autres blessés. L'excès de vitesse chez certains conducteurs et l'ivresse au volant pour d'autres en sont les principales causes selon la police de Kayanza. Le commissaire provincial de police met en garde les conducteurs qui enfreignent le code de la route que des sanctions sévères sont réservées à leur endroit. Patrick Nsengiyumva. Les données chiffrées fournies par la police à Kayanza font mention de 107 cas d'accidents de circulation en l'an 2024, lesquels les accidents ont emporté la vie de 21 personnes et 95 autres qui ont été blessés. Les mêmes données montrent que ces accidents de la route à Kayanza ont eu lieu principalement au début et à la fin de l'année, où pendant cette période, on a enregistré 26 cas d'accidents de la route qui ont emporté la vie de 8 personnes et 18 autres qui ont été blessés. Parmi les causes des accidents de la route à Kayanza, d'après la police, en cette province, figure l'excès de vitesse chez certains conducteurs et l'ivresse chez d'autres. La police à Kayanza parlait aussi du mauvais état des routes dans certaines localités où il s'observe des nids de poules dans la route, ce qui fait que les véhicules se cognent ou cognent les piétons en essayant de dévier pour ne pas abîmer les automobiles. Pascal Chimilimana, commissaire de police à Kayanza, indique que des sensibilisations continuent auprès des conducteurs afin qu'ils puissent conduire dans le strict respect du code de la route et ce pour réduire le nombre des accidents de circulation, précise-t-il. Le commissaire de police à Kayanza met en garde les récalcitrants ou du moins les contrevenants en la matière que des sanctions sévères sont réservées à leur endroit. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Parlons agriculture. Des citoyens d'Orumongue indiquent que la culture de l'huile de palme contribue dans le développement socio-économique de la province. Certaines femmes vendeuses des noix de palme dans la province disent que son métier les aide à subvenir à leurs besoins. Au sein de l'Office de l'huile de palme, OHP, l'on précise que les redevances générées par la culture contribuent dans le développement du pays. Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Sont certaines des femmes vendeuses de noix de palme dans la province de Mongé qui disent que son commerce joue un grand rôle car grâce à ce dernier, elles parviennent à subvenir elles-mêmes aux besoins familiaux. Même ceux qui exercent le métier d'achat de palme en provenance des agriculteurs de palmiers à l'huile témoignent que ce métier leur est bénéfique et de rencontrer dans une plantation se trouvant dans dans la zone Gatete de la province Lomongue fait savoir que son métier lui a permis d'acheter une parcelle et des petits bétails comme de la paix et des chèvres. Au sein de l'office du et de Parme, OHP, Goda Senizigimana, directrice de cette institution, indique que les redevances perçues dans la culture de Parme facilitent la tâche du gouvernement d'importer les graines de Parme depuis l'étranger. L'OHP perçoit seulement des redevances. Et qui dit redevance, c'est-à-dire que tu rentres en comptant à celui qui t'a subventionné au moment des plantations. Je vous disais tantôt que les graines viennent de l'extérieur et qu'ils sont beaucoup coûteux, mais le gouvernement nous oblige de donner les plats à la population à bas prix. C'est pourquoi un plat qui a été produit à 16 000 ou 15 000 est donné à la population à 5 000. C'est autre chose, les palmiers bénéficient de l'encadrement de proximité. Tout ça par après, il faut que le producteur donne quelque chose pour que celui qui n'a pas eu les plats cette année en obtienne l'autre année. Pour que le système continue, il faut que la population bénéficie de ces plans, donne quelque chose pour que l'OHP continue à fonctionner. Elle précise également qu'ils ont mis en place une commission des agronomes chargée de contrôler les plantations et d'exhorter en outre ces agriculteurs de bien entretenir les parmes dans le but d'accroître la production. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Boukeneza.